Bonsoir, vous êtes à l'écoute de Bonjour Minnesota à la station KFAI 90.3 FM à Minneapolis et 106.7 FM à Saint-Paul, Radio Sans Frontières. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul, Radio Without Boundaries. The program we present is Bonjour Minnesota. For comments or questions, call the studio line while the music is playing at 612-341-0980. And of course, you can always reach us on our Facebook page and send us your comments or songs you'd like. Oh, bonsoir, Karine. Alors, bonsoir, Dana. Comment ça va? Oh, ben, ça va bien. Encore un beau, très belle journée, n'est-ce pas? Pas mal pour moi. Pas mal, oui. Ben, toi, tu travailles toute la journée. Mm-hmm. Et il fait pas trop frais. Pas trop frais dehors. Pas tellement frais, non. Mm. On pouvait sortir, mais je crois que ça ne va pas durer, malheureusement. Je crois que ce soir, tard, il va pleuvoir. C'est vrai? On a dit. Mm. Heureusement que ça ne va pas être la neige encore. Ni de ouragan. Mm. Oh là là, les pauvres dans l'état du Caroline du Nord. Et avant, c'était le Haïti qui était complètement abîmé et dévasté. Il y avait je ne sais pas combien de morts en Haïti. On a un appel, alors on va lancer de la musique. C'est quoi de Haïti? On va écouter maintenant? Oui, alors c'est Taxi Créole, un groupe qui va... Je n'ai pas le titre ici. Où est-ce que c'est? Alors, Taxi Créole, Mandoline. On y va. Allez tout moun ka manje wosh. Et puis manye bay la ka oule ya. Bien bouki pa ka fan. Monsieur Mandoline. Pas la peine ou pas le climat social. Ini climat y. Ni yon ti gitay ka milyonè tout la jounè. Mandoline, fon ba nou ti lise bien. Di nou ki manye ou ka fè pou sen konsa. Mandoline, fon ba nou ti lise la. Di nou ki manye ou ka fè pou sen konsa. Li menm ka di ou se pa potli sonne de ben nou et ouais je dois si dans la vie pas ni plaisir tell me si mien nous mort mais ni mon tababie a dans la vie il ca dormi si ni en bagay baga feka. J'ai beaucoup de choses. Non. Et j'ai pris des tirs à mac. À souhait pied d'être marin. Si c'est ce qui me faut. Jungle style. J'ai toujours mon guitare sur moi. Où j'avais fait de tirs. Tous les gens diraient ça va pas. Moi je comprends pas. Mandoline. Pin up me one pin up. Faut pas nous tirer cette là. Dis-nous qui m'en est ou pas fait. Il peut t'en donner la couche. Et si tu laisses tel te piler, tu es dans la cave. Tu es wicked. Comme un course de bicyclette. Si tu as pour gagner, c'est fou. Si tu vois salté. Faut pas nous tirer cette là. Dis-nous qui manie ou pas fait. J'ai n'a de champ, chat de prince. C'est pour ça, Mandoli. Le petit Kevin Mulligan. Et le petit Nicolas Fismar. Qui peut dire les mots? C'est juré pour la vie entière. Ça me fait rêver comme on y croyait. Ce matin j'ai beau chercher tes yeux pour trouver la lumière, tout se noie dans un brouillard épais. Y a quelque chose qui a changé. Ça casse. On a beau vouloir faire l'amour, c'est la guerre des plus amers qui nous enserre. Ça casse comme un vase en cristal contre le métal. Issue fatale. Ce mal pour en arriver là, qu'est-ce qu'on va en faire sans défaire ou se le partager? Trop tard ou trop tôt, peut-on jamais revenir en arrière quand on ne vit plus que des regrets? Il y a quelque chose qui a changé. On a beau vouloir faire l'amour, c'est la guerre des plus amers qui nous enserre. Ça casse comme un vase en cristal. s'agace comme un vase en cristal contre le métal. Issue fatale, éclat Du mal, du mal, du mal, du mal, was the encore at the end of the song there. All right, we just heard two songs from Morane. That last one, Du Mal, You Hurt Me. You hurt me by not paying attention to me and being silent, and you were cheating on me behind my back and leaving too much space, Morane. She's like got that just a hard rocking vocals. Yeah. And before that, we heard Ça Casse, That Breaks. It's like a big party going on. And it's wild. Wild and crazy. And before that, we kicked off the show with French Caribbean music, especially for our friends in Haiti, thinking about all the destruction that took place, with a song called Taxi Creole. Mandoulin is the name of the song by Taxi Creole. So that's for our friends in Haiti. What do we have next? Bon, on a M. Mm. C'est Mathieu Chédid. Vraiment, c'est le fils de Louis Chédid, le grand chanteur. Mais il ne voulait pas avoir affaire avec le renommé de son père. Donc, il dit qu'il est simplement M. Il va vous chanter Bahia, une chanson que nous aimons beaucoup. Et ça va être suivi par Où aller? Il fait beaucoup de jeux de mots. Hein? Écoutez. Bye. This music makes me dance. Have you heard the story of the village that couldn't stop dancing because of the lively music? Oh, yeah? You can be in this folktale at Dance the Balkan Way Festival on October 21st and 22nd at the Roseville Lutheran Church. We will teach you how to dance and even allow you to try the food. Where can I learn more? More information for Dance the Balkan Way at kfai.org/Balkan Jamboree. Programming at KFAI is supported by MJG Productions, presenting Built to Last Music Fest, October 14th at the Skyway Theater in Minneapolis, featuring Melvin Seals and the Jerry Garcia Band. Seals was the organ player for the band from 1980 to 1995 and continues to spearhead the group today. Also featuring Frogleg, Circle of Heat, Tangled Up in Dylan, and many more. Information and tickets at mjgpro.com. Ooh. Well, those two were by M, otherwise known as Mathieu Chedid. His voice, he likes to sing falsetto. That first number was called Baya, Bay. And the second one, it was quite a surprise. It's Ouale, very, very beautiful. Wasn't it? I love it. Yes. Yeah. And I think we should watch M. He is a writer of great talent. So fantastic. He didn't want to go on the coattails of his father, and he really defined his own musical style with electronic and just his falsetto. What do we have next? Eh bien, Serge Gainsbourg, le mauvais garçon des années passées. Mm-hmm. Et il va chanter, alors si je prononce bien, Ela Eudania Teiteia. Et ça va être suivi par le talkie-walkie. In French, walkie-talkies are called talkie-walkies. On y va. A, E dans la, T-I-T-I-A. L, A, E dans la, T-I-T-I-A. Sur ma Remington portative, j'ai écrit ton nom, Laetitia. L, A, E dans la, T-I-T-I-A. Laetitia, les jours qui se suivent, hélas, ne se ressemblent pas. L, A, E dans la, T-I-T-I-A. C'est ma douleur que je cultive en frappant ces huit lettres-là. L, A, E dans la, T-I-T-I-A. C'est une fleur bien maladive, je la touche du bout des doigts. L, A, E dans la, T-I-T-I-A. S'il faut aller à la dérive, je veux bien y aller pour toi. L, A, E dans la, T-I-T-I-A. Ma raison en définitive se perd dans ces huit lettres-là. L, A, E dans la, T-I-T-I-A. Sur ma Remington portative, j'ai écrit ton nom, Laetitia. L, A, E dans la, T-I-T-I-A. L, A, E dans la, T-I-T-I-A. J'avais en ma possession un talkie-walkie made in Japan. Il ne m'en reste à présent qu'un grain de folie, un point c'est tout. J'avais donné le même appareil à celle que j'aimais. On s'appelait pour un oui, pour un non. Qu'elle soit dans sa chambre ou bien dans la cour de son lycée, je l'avais n'importe quand, n'importe où. Quand j'entendais sa voix dans le talkie-walkie, j'étais heureux. Jusqu'au jour où elle l'oublia près de son lit, voici comment. J'étais seul avec moi quand je décidais de l'appeler. J'ai tout de suite compris ma douleur. Je ne souhaite à personne de vivre un moment pareil. En deux mots, voilà ce qui s'est passé. J'entendis des soupirs dans le talkie-walkie, des mots d'amour. Et puis son prénom que murmurait dans la nuit un inconnu. De ce jour, tous les plombs de mon pauvre compteur ont sauté, mais je la vois dans mon obscurité. Je vois ses grands yeux beiges, ses deux grands yeux couleur du temps, d'où la neige tombait de temps en temps. J'avais en ma possession un talkie-walkie made in Japan. Il ne m'en reste à présent qu'un grain de folie, un point c'est tout. Wow.

sais bien, mais je suis bien, bien, bien, bien. Je me parle tout bas, ne me dérangez pas de la chaleur dans mon hiver. Un nom qui chante dans ma maison. Un cœur par-ci, un cœur par-là. Plus de soucis, plus d'embarras. Pour moi toute seule, l'amour vient d'arriver. Pour moi toute seule, le rêve a commencé. Qu'arrivera-t-il demain matin? Je n'en sais rien, mais je suis bien, bien, bien, bien. Et je l'aime tout bas. Ne nous dérangez pas. Are you trying to spread the word about your organization or cause? Check out The Wave Project on KFAI. The Wave Project is a weekly one-hour open access time slot available to any member of the community. It's a perfect opportunity to educate people about your cause. You provide the content, we provide the engineer. Together, we spread the word about your mission. Learn more at kfai.org/waveproject. Well, we heard two there by Edith Piaf. First of all, Padam, Padam, a very well-known hit by her. But she was such a prolific artist. She recorded I don't know how many songs. The second one was one I had never heard before. It was Pour Moi Toute Seule, Just For Me, All Alone, Just Me. Hmm. And then that was a sweet one, too. Indeed. Such a variety. Before we cue up some music here, could you tell me what kind of French-inspired foods you're having for fall? French-inspired food? Il y a toujours rôti de porc avec des pruneaux, n'est-ce pas? Oh. On les sert avec des pruneaux. Oui. Je n'ai jamais fait le plat, mais... Je sais que ça existe. Et, tu n'as jamais fait le porc au pruneau? Je fais du porc ce soir, mais pas sans pruneau. Mon ex-mari faisait ça tout le temps. Avec je ne pouvais plus manger du porc que j'ai mangé autant. Yeah, I did. Oui, oui. Apples and pork. It's apple season, too. Ah oui, oh ben, tarte tatin. Oh, yeah. Le tarte tatin, c'est par les deux. Je crois que c'était deux sœurs, les demoiselles Tatin, qui ont d'abord fait cette tarte. Mm-hmm. C'est un peu une tarte rustique. Moi, je ne suis pas tellement bien en pâtisserie, donc... j'adore lire les livres de cuisine. Et je sais ce que c'est. Mm, je crois que j'ai dû le goûter. Tu sais, Dana, la meilleure tarte que j'ai jamais goûtée, c'était... une tarte aux framboises. J'adore les framboises, et ça c'est on est entré dans un restaurant quelque part près du les grands boulevards et tout de suite on a vu une tarte aux framboises. Alors j'étais avec Georgette à cette époque et elle a dit ah ben on va réserver deux tranches de tarte aux fraises. Heureusement, parce que c'était fini rapidement. Après dîner, on a pu dire, nous avons deux tartes de fraises, de framboises. C'est sensationnel. Mais quand tu dis les grands boulevards, c'est ici ou c'était à Paris? À Paris, les grands boulevards. C'est près de la rue de la Paix et l'Opéra Garnier. C'est t'es servi avec une crème anglaise ou de la glace ou c'était seulement une tarte avec... Toute seule, je crois. Toute seule et de chantilly. sensationnel et très, très joli à regarder aussi parce que tout en dans une prestation, dessin très bien avec un ordre, on aime bien mettre dans des cercles ou, qui couvraient partout. Il y avait une crème pâtissière était d'abord près de la pâtisserie. Il y avait une crème pâtissière. D'accord. Qui était sensationnelle. Crème pâtissière, c'est un peu comme. It's not like whipped cream or pudding. What is it like? Non, crème pâtissière is a thicker type. Custard? Almost like a custard, but maybe a little. Well, like not quite that thick. Custard should stand up by itself, but crème pâtissière is a little smoother and silky. Making you hungry just to hear it. I'm sorry. Yeah, it is. I sadly, j'ai fait une soupe. How do you say butternut squash in French? Comment on dit squash? Je ne peux pas le dire parce qu'il y a très peu qu'on mange. On commence seulement à manger ça en Europe. Depuis récemment? Non, je n'ai jamais mangé en France. Même, je ne les ai pas vus dans le marché. C'est vrai. Mais je crois de plus en plus. Hein? Mm-hmm. Les Français, en anglais ou français? Les Français? En français, pourquoi pas? En Europe, on voit partout des tomates qui étaient du Nouveau Monde aussi, qui venaient des indigènes ici en Amérique du Nord et Amérique du Sud. Et aussi les squash, les curbassés. Alors, curbassés, ça c'est le mot? Ça c'est le mot pour toute la famille parce qu'il y en a tellement. Wow. Mais on les voit très peu. Je crois qu'on commence à en avoir, mais c'est délicieux. C'est vraiment bien de faire une soupe. Pour faire une soupe, j'ai fait une soupe et maintenant c'est fini. Je dois en refaire avec un bon pain quand ça sort du four. Oh, c'est la meilleure chose quand il fait froid un peu. Ah oui, quand il fait froid. Qu'est-ce qu'on va écouter maintenant? On a une chanson. Oui, il y a. On va monter l'esprit un peu, l'énergie. Elle s'appelle Andila, Dernière danse. C'est toute une série de chansons sur la danse. Et ça va être suivi par Stromae, qui chantera Alors on danse. Ça fait bientôt une heure que tu es arrivé, que je t'ai vu t'asseoir à côté. Ça fait bientôt une heure sans oser te parler, et soudain il arrive et vous vous en allez. Au revoir mon amour, peut-être un autre jour, peut-être une autre année. Au revoir mon amour, la vie n'est pas finie, la vie n'est pas passée. C'est une autre aujourd'hui qui s'avance vers moi. C'est une autre et c'est toi qui me passe à côté. C'est un nouveau visage dont les yeux sont fermés, qui ne veut pas me connaître ni m'aimer. Au revoir mon amour, peut-être un autre jour, peut-être une autre année. Au revoir mon amour, la vie n'est pas finie, la vie n'est pas passée. À ne pas me voir, où es-tu? Te prépares-tu chez toi à ne pas me rencontrer ou bien à m'ignorer? Où es-tu? À plus tard, mon amour. Peut-être un autre jour, peut-être une autre année. À plus tard, mon amour. La vie n'est pas finie, la vie n'est pas passée. À plus tard, mon amour. Nous avons tout le temps, je ne suis pas pressé. Peut-être, mon amour. Mieux vaut ne pas s'aimer qu'un jour ne plus s'aimer. Il est l'heure. Il est l'heure. Alors, vous êtes à l'écoute de Bonjour Minnesota à la station KFAI 90.3 FM à Minneapolis et 106.7 FM à Saint-Paul. Station sans frontières. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul, Radio Without Boundaries. The program we present is Bonjour Minnesota. For comments or questions, please call the studio line while the music is playing. If you call while we're talking, I might not be able to get to you. And I want to thank my high school friend, Bill, for calling while the music was playing. It's so exciting to hear people call when they're in their cars, they're listening, and it's great to hear that you're out there. So if you have a special request, we'd love to hear it. And of course, like the Facebook page and let us know how we're doing. And that was, by the way, that was a bonus song. Oh, we forgot to talk about Quelle heure il est à Paris? Il est 9h21h02. Ici, à Paris, c'est 4h du matin ou 5h? Je ne sais pas s'ils sont toujours à l'heure de l'été ou non. Chaque semaine, on dit toujours la même chose. Évidemment, Olaf n'est pas là pour vérifier. OK, c'était quelle chanson que je me suis trompée? C'était pas Indy la dernière danse. C'était Dominique A. That was Dominique A with... Au revoir, mon amour. Mon amour, oui. Goodbye, my love. Until we see each other again, my love. So, quite sad. But now, let's get a little bit more très energy jolie. Here. J'aime beaucoup cette chanson. Mm-hmm. On y va avec de la musique un peu danse. Indy la. Je m'en vais bien avant l'heure, je m'en vais bien avant de te trahir. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui je suis un peu paro, je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour? Reviens là. taf te dit les thunes. Qui dit argent dit dépense. Qui dit crédit dit créance. Qui dit dette te dit huissier. Lui dit assis dans la merde. Qui dit amour dit les gosses. Dit toujours et dit divorce. Qui dit proche te dit deuil. Car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise te dit monde. Et dit famine et dit tiers monde. Et qui dit fatigue dit réveil. Encore sur de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et cela zic ou les problèmes. Les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu te bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort. Mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. We just heard Stromae with Alors on danse. All right, let's dance. And Indila with Last Dance. We want to thank Fred for letting us know that it's 7 hours apart. Daylight savings time is... I just don't know how that really works. So 7 hours apart, exactly, 4 a.m. in mm-hmm. Paris. And we have some Alliance Française, les annonces. News. Well, here's some news for from the Alliance. On the 15th, that's Sunday, from 2:30 to 4, Mary Contine will be there for fine French story time for children. This will be her last appearance for a while. I don't know if she'll be returning. The story that she's going to read for the children is Panique dans la basse-cour. So off to the farm for the kids and to hear this story taking place there. Samedi, le 15 octobre, à 14h30, à l'Alliance Française. Patrick Modiano won the Nobel Prize for Literature in 2014. There will be une table ronde, a round table, of the news of Patrick Modiano on Monday, October 17th, from 6:30 to 8:30 at the Alliance, I assume. The French are coming. Réunion des directeurs et fédération Alliance Française. Conférence octobre, le 20 octobre jusqu'au 23. Here's a new intern coming that is now at the Alliance Française. David. He's an education intern. He hopes to meet some new people in the Twin Cities. He's originally from Montpellier and is 30. Currently, David works at the offices of the Alliance, so he's looking for a place to stay nearby transportation going downtown to do his job at the Alliance. If you're interested in hosting David or would like to learn more about him, send an email to the Alliance Française. It doesn't say who that's to be directed to, but I imagine bonjour at afmsp.org. They'll send it. They'll get it there. Mm-hmm. Pour les enfants, after-school classes. This is something I didn't know. The Alliance Française partners with a few Minneapolis public schools and offers after-school French classes from October through May. Schools include Burroughs, Kenwood, and Hale. Contact Alix today to register or to receive more information at the Alliance. Let's see here. Oh, coming up again, there's a lot of advantages to belonging to the Alliance Française. All kinds of discounts. And this is Il Divo is coming to here. Amour et passion. Latin love songs. There's a discount for Alliance Française members. It will be, the performance will be Sunday, October 23rd, 7:30 p.m. at Northrop Auditorium on campus of Minnesota, University of Minnesota. Let's see what they're going to be singing. Oh, who it is. It's a male quartet originating in the United Kingdom in December 2003. And the singers are Urs Buller from Switzerland, Carlos Marin, Spain, David Miller, USA, and Sébastien Isambard, who is French. He started his career as a pop musician in France, and his song Si Tu Savais was ranked first in French hit charts. He's also an accomplished music composer, pianist, and guitar player. In Paris, he has written music for many French artists. You can buy tickets by calling the Alliance Française and contact Anna if you wish to get the discount. All kinds of things going on. Film festivals at St. John's and St. Benedict's through the months. So I suggest you Google those and see what's going on, French films. Say, here's a Citroën de Chevaux for sale. Oh. Deux pattes, as my friends called theirs. Deux pattes? Deux pattes, yes. It's just a classic car. This one is a 1972 with 28 horsepower, and it's a 602cc engine. It's for sale. Less than 2,000 miles since the restoration in the Netherlands, and it has less than 1,000 miles on an engine professionally rebuilt in the Netherlands by Burton Car Company and installed here. The original Citroën paint color is Ivoire Borély. Full documentation available. We aren't allowed to mention prices here, but it's a collector's item. They aren't being made anymore. No. But I remember walking up my street in Paris at one time, I saw somebody taking out the front seat and using it for like a lawn chair. Oh, cool. And you could also buy parts for it at Bazar de l'Hôtel de Ville, BHV. Oh, j'adore. C'est mon magasin préféré. Ah oui? BHV. Wait, have you been to you've been to the basement, the hardware department? Did you ever go to the basement? I can't remember there. I went on top for a nice view in the restaurant. Oh. Delicious frites. They had the most incredible hardware department in the basement with all that quincaillerie, all that hardware and every kind of gadget for making things. Oh, I'd get lost at Bash. Oh, yes. And then also their makeup department. There was this, the woman who's that supermodel who's in her 80s. Do you know that woman? She's maybe 60 or 70. I can't think of her name. A French woman? Yes, she's this most amazing model. I saw her at the counter at Baie Chevet. Oh. And we were both there to buy. We were at the Chanel makeup counter. I was buying lipstick. And I looked at this woman, and I couldn't tell how old she was because she was so amazingly beautiful in a pure white raincoat and a fancy pants suit. And she just was so incredible. Stunning and amazing. We just both did the, like, the smile, you know, like, hi, you know. Oh, Baie Chevet, que j'adore. Oh, petit café. So you went to the Petit Café au Coin there? I'm like so nostalgic. I'm on one of those. You are on a nostalgic mood tonight. The little cafe on the corner there at Baie Chevet, you know which one I'm talking about? No, I've only been up on top, but on the rooftop there's a nice restaurant. There's Cafe Baie Chevet on the corner. It's a very, very, very, very old little building. Oh, I love that place. other one ads here, bilingual business development position in Fargo, North Dakota. Oh. So job hunters. That's if you speak both languages. And seeking a host family for a French employee, Benoit Carrel, a homestay to experience day-to-day American home life. He works as a sales manager for IMV Technologies, a biotech company based in Normandy. So contact the Alliance if you would like to have a visitor stay for a while. Also, Dominique Valier, a Prince fam, is looking for a homestay. There's a sale of books at the French American Heritage Foundation of three books called Chez Nous. These books contain 928 pages of Nouvelle Ville Jumelle. And Chez Nous newsletters published during the years 1979 to 2001. Minnesota with a French accent. Well, the French American Heritage Foundation will be conducting Minnesota with a French accent classes in both Maple Grove and North St. Paul. Very cool. That's great. There's classes all over. And that's the last of the announcements. If you are interested in those classes, I would contact the French American Heritage Foundation. They do not leave a phone number here. Four sessions. Et voilà, on va continuer avec notre musique. Oh, just a petit announcement that the Trilon Micro Cinema is going to be doing that Jean Renoir film series in December. Really? So be sure to put that on your calendar to keep Trilon in check. Also, if you contributed during the fall pledge drive, we have our gift certificates, but that list is being generated for us so that we can make sure to do a drawing. Who's going to win the dinner to Sanctuary or to Trilon? A very good question. And, is that a dinner for how many? One or two? Oh, it's a gift certificate for $50. So I see. So I don't depending. Know. Once you start adding some wine in there, you can easily get to several hundred dollars if you're getting a very, very, very nice bottle or couple or cheese and dessert. With Patrick Atenalian as the chef, so a great French chef here in the Twin Cities. Anyways, we'll be doing that drawing in the next week, and we'll announce the winners and send out our special thank you. And we thank all of you who donated to KFAI and Bonjour Minnesota. Yeah, you're the ones that we'd like to play for. We also want to remind people there's the Twin City Film Festival taking place soon as well. So it's a great opportunity to go out and see non-mainstream cinema, non-mainstream music is taking place. There's so many things in the Twin Cities. Let's skip back to some dance music, though. I would like to take a petit detour and play some Les Copes, which is French synth pop I found on this album. Hmm. So here we go. And L'escope with Je Danse. Les yeux fermés, plongé dans la soirée, l'obscurité. Autour de moi, je danse. me lombard et maîtrise. De haut en bas, je m'hypnotise. Thank you. siffle, le vent se lève. Elle souffle et tombe la neige. Je me donne et elle me rend. Elle me trompe et je la prends. Mais quand je lui tire la langue, elle me fait la danse du ventre. Je lui tire la langue, elle me fait la danse. Ce soir je dormirai pas. on the next Listening Lounge, Wednesday night at 7. If I said the name August Wilson, what's the first thing that comes to your mind? A storyteller. He finds the poetry in everyday life and sings to it. Prophet. Truth teller. An amazing visionary. Unheard voices. He was a distiller of the Black experience. We look at August Wilson and his play Jitney with Lou Bellamy and T. Michael Rambo. The Listening Lounge, Wednesday night at 7. Support for KFAI comes from the Electric Feeders, your local record store for over 48 years. Now paying cash for used records in excellent condition. The Electric Feeders, 4th Avenue South at Franklin, or at efeeders.com. We heard there are two numbers on the dance theme from RFI, Radio France Internationale. First of all, you heard Eddie Le Gouillage, La Danse du Ventre, un très drôle comme chanson parce qu'il dit « Je lui tire la langue et elle me fait la danse du ventre. » I stick my tongue out at her and she does the belly dance. That was followed by a group called Aline. Je bois et puis je danse. I drink and then I dance. I like that song. That was a group originally from Marseille, mm-hmm. who used to be called Young Michelin. Hmm. And I drink and then I dance. All right, let's go ahead and have a little bit more music. What's up next? Some more French songs. Dario Moreno, peut-être? Oh, How about that Gérard de Palmas? Ooh, on va petit détour et puis Claude Nougaro would danser sur moi. Sa cadence, quelle présence, quelle prestance, il y a vraiment de quoi tomber en transe. Jouant des hanches, elle se penche, puis se relève comme une branche. C'est la plus belle des jouvencelles, tous les garçons du bal ne voient qu'elle. Oui, mambo merengue samba, c'est avec grâce qu'elle danse tout ça. Mais si on lui fait quelques mots d'esprit tout bas, elle répond comment je ne comprends pas. Ce qu'il lui faut, c'est un pas de mambo. Ce qui lui va, c'est un petit cha-cha-cha. Ce qui la tient, c'est le rythme cubain. Ce qu'il adopte, c'est du jazz très bebop. La la la. Chavire, ses bras se tirent, sa jupe vole et c'est du délire. Son cœur palpite, il va plus vite, son corps frissonne et sa voix s'irrite. Elle s'enflamme, elle s'exclame, aïe aïe aïe aïe, prête à rendre l'âme. Oui, depuis que toutes ces danses sont arrivées chez nous, c'est très curieux. Des milliers de filles comme elles se dépensent. Le romantisme n'est plus dans leur jeu. Ce qu'il leur faut, c'est un pas de mambo. Ce qui leur va, c'est un petit cha-cha-cha. Ce qui les tient, c'est le rythme cubain. Ce qui les dope, c'est du jazz très bebop. We'll be right back.

Gilbert Bécaud, Quand tu danses. That was lively. Wasn't it? Well, he was really live wire on stage. That's why they called him Mr. 100,000 Volts. Great name. Let's have an announcement. We'll get back to our last couple of songs for the evening. Twin Cities Media Alliance and KFAI will be hosting the Fall Media Forum, No Stories About Us Without Us, The Power of Narrative, Saturday, October 15. This day-long event brings together a cross-section of social changemakers, from nonprofit professionals to artists and organizers, media makers, and policy advocates. Together, we will discover ways to build new narratives, critically engage around issues affecting marginalized communities, and use story, media arts, and communications to imagine alternative solutions to dismantling systems of oppression. Tickets and information for the October 15th Fall Media Forum are available at tcdailyplanet.net. Programming is supported by Summit Brewing Company, where old world tradition meets new school innovation. Summit searches the world over for quality ingredients to craft their popular ales and lagers in its unique copper brew house. You can learn more at summitbrewing.com. Quelle jolie danse, la danse du PC. Quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. On fait deux pas, on fait trois pas, et on s'embrasse comme ça. Un temps d'arrêt, et l'on est prêt à recommencer. Il faut faire vite, et ne pas hésiter. Ça s'apprend vite, la danse du baiser. Dansez la danse du baiser. Pour pouvoir danser notre nouveau pas, ce n'est pas compliqué. Il faut s'enlacer, compter jusqu'à trois et puis s'embrasser. Quelle jolie danse, la danse du baiser. Quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. Après deux pas, comme ça, et les danseurs au bout d'une heure se connaissent tous par cœur. Pour les timides, plus de timidité. Non, non, ça les décide. La danse du baiser. Faites un essai, croyez-moi, c'est gagné d'avance. Dansez la danse du baiser. La jolie danse, la danse du baiser. Oui. C'était... We heard, let's see, did we tell them the names of Claude Nougaro? And mm-hmm. Yes, we did. This last one was by Les Sœurs Étienne, the Étienne sisters, the dance of the kiss dance. The dance of the kiss. Of course, that it gets everybody in the mood for a kiss. What else can we talk about? I'm having a little technical difficulties. It's the end of the evening. It's been a very long day. I hope that everybody hasn't had a super long day like I have. That is for sure. That was numéro 14. On a joué numéro 2. Qu'est-ce qu'on va prendre petit détour? If you guys have your requests, you should call in to the studio line or send a message on the Facebook page so we can put some songs in for you. Let's go ahead and do a little bit of an experimental song and see what we have next. And it shall be 5. Here we go. This one is Ben Mazué with La Résiliation, suivi par Jardin d'Hiver par Patrick Nguyen. Here we go. D'abord, il y aura le manque.